Bombe atomique qui est survenue ce matin, ben, une bombe atomique, j'exagère un peu, mais pas beaucoup quand même. Diego Maradona, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du soccer, là, probablement l'un des 10 plus grands joueurs faciles, peut-être même l'un des 5 plus grands de l'histoire du soccer, est décédé à l'âge de 60 ans seulement. C'est très très jeune. Les gens qui ont suivi un petit peu l'histoire de Diego Maradona savent que c'est un gars qui. Mettons qui s'est pas le. Qui s'est magané pas mal. On en parle avec Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au 5. Salut Benoît. Salut Danny. Ben oui, Danny, LPB Di Oro, son surnom. Hein. Ouais. LPB Di Oro, là, sur ma page Facebook, j'ai partagé ça, là, différentes vidéos de lui. Là. Écoute, quand tu parlais de 10 meilleurs, 5 meilleurs, écoute, on le considère peut-être avec Pelé dans les deux meilleurs joueurs de l'histoire du football international. Là. Ok, c'est même Maradona mieux que et Messi, Pelé. tu sais, c'est. Ben Messi, Messi, pas loin de ça, mais Messi, ce qui lui manque, on le sait, Danny, tu le sais comme moi, Ah Messi, Ronaldo. Il leur manque la Coupe du Monde. C'est ce que, écoute, Maradona, il l'a gagné, sa Coupe du Monde. Et on pourrait écrire une histoire sur ce joueur-là, là. ouais. Ok, c'est bon pour les gens qui. Pourquoi que c'est un joueur si légendaire que ça? Tu peux nous expliquer un peu son parcours. Je suis allé chez Wikipédia. C'est un joueur qui a joué. Écoute, tout le monde se rappelle de 1986. C'est là qu'il s'est mis au monde, Maradona. C'est lui qui a conduit l'Argentine. À la victoire à la Coupe du Monde contre l'Allemagne, si je ne m'abuse, en 86, c'est bien ça. Oui. Et l'un des plus beaux buts de l'histoire, je viens de le mettre sur ma page Facebook également. Juste à écouter juste à voir les fins, tu sais de quel but je parle. Je pense que c'est contre l'Angleterre en quart de finale. Mais pourquoi Maradona est un joueur si légendaire? Ben, tout d'abord, ce que tu mentionnes là, c'est son gros fait marquant. En quart de finale, tu viens de le dire, contre l'Angleterre, tout d'abord. On va se rappeler de son but, la main de Dieu, parce qu'il a marqué un but avec la main. Aujourd'hui, ce but-là, avec la VAR, ce but-là serait refusé. Mais dans ce temps-là, les arbitres n'avaient pas droit à la reprise vidéo. Et les juges de touche, hein, c'est les arbitres assistants, dans ce temps-là, c'était des juges de touche, n'ont pas vu l'action. Maradona a levé la main, a touché le ballon de la main, il a marqué un but là-dessus. Et par la suite, ça a été synonyme de la main de Dieu, ce but-là. Mais il faut rappeler que quelques minutes plus tard dans le match, alors qu'il venait de marquer un but avec la main, Maradona, à partir du centre du terrain, a déjoué 4, 5, 6 joueurs. Et il a marqué le deuxième but là, pour l'équipe d'Argentine. Alors ça a été ça a démontré sa valeur là, puis son niveau technique là. Écoute, il y a des vidéos. Ça, on va se rappeler, c'est en 86, Ouais, l'année que exactement. l'Argentine a gagné. Mais il faut se rappeler qu'en 90, l'Argentine a quand même perdu en finale de la Coupe du Monde. Et moi, je me souviens très bien qu'à l'ouverture. Parce qu'en 90, vu que dans ce temps-là, ça fonctionnait comme ça, en 90, le gagnant de la Coupe du Monde était invité, avait un passe-droit pour la Coupe du Monde suivante. Il y avait l'équipe hôte et il y avait l'équipe gagnante de la Coupe du Monde précédente. Alors, Maradona, en début de Coupe, l'Argentine faisait le match d'ouverture. Et ça, je m'en rappelais très bien. Moi, j'étais plus jeune, là, peut-être une vingtaine d'années. Danny, Maradona, au centre avant le coup de sifflet du début du match, Maradona avec le ballon en train de faire une séance de jonglerie devant la planète tout entière, là, qui est, les caméras, tout était filmé sur lui. Une séance de jonglerie qui dure quelques secondes. Par la suite, il remet le ballon au sol, on met le ballon au centre du terrain et go, la Coupe du Monde commence. Alors, tu vois un peu, là, la planète est arrivée sur ce gars-là. Tout ce qu'il faisait, écoute. Il y a un film qui a été fait sur Super Écran, sur son histoire à Diego Maradona. Il a passé, je crois, l'année passée là, sur Super Écran. Je ne sais pas si on va le repasser. À regarder, j'invite les gens à aller voir ce film-là, sur sa carrière, là. C'est sûr qu'il a sombré dans la drogue et tout Ah ça, mais là, ouais. on C'est parle pour de ça qu'on dit capable, l'Argentine. c'est parce qu'on c'est ça qu'on dit là, c'est que tu sais, c'est un gars Ce dernier aussi, il est allé jouer avec le FC Barcelone quand il est parti de l'Argentine, se retrouver en Europe. Et par la suite, il s'est retrouvé à Barcelone. Ça n'a pas si bien été que ça. Okay? Ça n'a pas été un grand succès avec le FC Barcelone. Et par la suite, Diego s'est retrouvé à Napoli, en Italie, où ce que un peu la mafia italienne est beaucoup. Et c'est là que je crois que les problèmes de drogue ont commencé. Mais il faut rappeler qu'avec le Napoli, il a gagné le champion d'Italie en 86-87, dans les mêmes années que l'Argentine a remporté la Coupe du Monde, et en 89-90. Il a gagné une Super Coupe d'Italie. Il a gagné une Coupe d'Europe aussi en 88-89. Et là, on a fouillé sur le web et j'ai hâte de voir là, dans les prochains jours, Dani, la planète foot. Et même aujourd'hui, là, Ben, c'est déjà commencé, je suis allé je voir un pense petit que peu. Dani, le COVID va prendre un break de quelques heures pour se mettre en mode Maradona pour souligner sa carrière avec des hauts et des bas, là, on sait par la suite aussi. Puis j'invite Dani les gens sur Netflix aussi. Il y a une série qui était Ouais. sortie sur Netflix. Parce que Maradona est devenu entraîneur. Hein. Il y a un parcours de joueur, mais il y a un parcours d'entraîneur. Et dans les dernières années, là, il a entraîné un club mexicain. Et ce club-là était une des villes les plus. Est-ce qu'il y avait de la drogue au Mexique? Ah ouais. Je pense que les séries Netflix en lien avec la drogue, il est allé entraîner ce club-là. C'est Maradona au Mexique, c'est le nom de la série. Alors j'invite les gens aussi à aller voir ça là, sur le site officiel de Netflix. Donc très, très, très intéressant. Moi je l'ai regardé, c'est très bon. Et on voit des matchs, ça a été filmé pendant la saison avec le club mexicain. Maradona a de la misère à marcher. Je veux dire, il est magané le C'est en quelle gars. année, c'est à peu près, hein? Ben, au Mexique, ça fait 2-3 ans, 2016-2017, qu'il est entraîneur là. Si je regarde son parcours d'entraîneur, Dani, Maradona, en tant qu'entraîneur, c'est ça, il s'est retrouvé avec le club de Dorados de Sinaloa, OK, septembre 2018 à juin 2019. Il n'a pas été super longtemps là. Il est allé coacher aussi en Arabie Saoudite aussi. Et là, dernièrement, de septembre 2019 au novembre 2020, il était encore entraîneur avec le club de Gimnasia en Argentine. OK? Dans Ouais. une division, il était encore entraîneur à ce moment-là. Depuis, il y a eu un problème au niveau de la tête dernièrement. Et là, ben, on a vu la crise cardiaque aujourd'hui. Mais Diego Maradona, un autre fait en Russie en 2018. Je me souviens un match de l'Argentine. Je crois que Maradona était bourré dans les estrades. Il était sur la go, là. Il faisait des fingers un peu à tout le monde. Il a été sorti, là. La FIFA avait de la misère un peu à contrôler Maradona. Ah ouais, Et ah ouais. il faut se rappeler aussi qu'il a entraîné la sélection Ah, c'est ça, argentine. c'était ma question suivante. Ça a pas été un grand succès là, avec l'Argentine, hein? Ben, je te dirais de octobre 2008 à juillet 2010, donc le temps d'une Coupe du Monde, Ouais. le temps d'avoir Messi sous ses ordres, OK? Comment je te dirais, l'Argentine à cette Coupe du Monde-là s'est faite sortir par les Allemands 4-0. Alors, c'est là que Maradona s'était terminé après. Il n'a pas été capable, je pense, d'amener l'Argentine un peu plus loin, alors qu'on aurait aimé voir l'Argentine faire un gros parcours. Mais depuis Maradona, il n'y a pas eu d'autre Coupe du Monde pour la sélection argentine. Est-ce que c'est ça le personnage? C'est quand même le personnage qui est. C'était tout, le Paradona. C'est un gars qui avait beaucoup de charisme pareil. C'est un gars qui avait énormément de charisme. C'est pour ça que je te dis que le film, moi, écoute, la série Netflix, c'est intéressante parce que c'est assez récent. C'est pendant une saison. C'est bon de voir son contact avec les joueurs, la chimie qu'il a avec les joueurs. Il s'est retrouvé à une ou deux finales de chambre de couple qu'il y avait au Mexique et ils ont bien joué quand même. Il a mis ce club-là sur la map, si tu veux, un peu, mais je préfère vraiment le film, la biographie là, qui a été faite là, Comment sur ça le super s'appelle, hein? écran Je qui l'ai a pas passé vu. l'année Je passée. l'ai pas vu. Il doit sûrement être sur le streaming. Il va sûrement être en streaming, c'est vraiment l'histoire de Maradona, mais de toute façon, que les Ouais. gens fouillent sur le YouTube, Maradona, il y en a des milliers de Ah vidéos, oh. là. La fameuse main de Dieu Ouais. et le but qu'il a marqué par la suite. Et je me souviens aussi d'une séance de jonglerie d'Annie à Napoli, en Italie. Je l'ai partagée justement quand Maradona était malade sur ma page Facebook à Sport Soccer. Maradona qui se met à faire une géante, à suivre le beat de la musique, une tune de l'heure que tous les gens ont connaissent. Et Maradona fait de la jonglerie en même temps que ses coéquipiers s'échauffent. Et lui, il s'amuse à danser. Je ne sais pas s'il était sa drogue à ce moment-là, mais il avait l'air d'avoir du fun. Effectivement. Messi ou Maradona? Mais Messi ou Maradona, Merci Question vache Olivier un encore. peu, hein? Une question vache un peu, hein? Ben, c'est une question. Moi d'actualité d'aujourd'hui, j'ai plus vu aller Messi que Maradona. Mais Maradona, avec ce qu'il a fait avec le club de Napoli, c'est quand même incroyable. C'était pas un club qui avait jamais remporté aucun championnat en Italie. Et c'était tout qu'un parcours cette année-là. Mais Messi, c'est Messi. Si Messi remportait une Coupe du Monde, je le mettrais peut-être un peu en avant de Maradona parce que, écoute, 92 buts, il là. n'a pas le même statut au niveau là, Ben, du pilotage à parce que l'extérieur du terrain. le gars semble, mais si, semble vraiment avoir une vie rangée, tandis que Maradona, c'était tout le contraire. Oui, c'est Ça ça. aussi, là, Mais si on. ça aussi, C'est ça ça, rentre en ligne de d'accord. compte dans le mode, dans le personnage de Maradona, là. Mais Ben, c'est ça. 92 buts, parce que 80, tu sais, il y a des. C'est vrai ce que tu vas me dire que c'est pas le. C'est une histoire de Coupe du Monde dans lequel les gens vont prendre Maradona parce qu'ils vont dire l'un a gagné, l'autre n'a pas gagné. Mais reste que 92 buts, c'est des buts en tabarouette au soccer. C'est l'équivalent de 125-130 buts, là. Oui, Au hockey, dans là. une année, c'est le T'sais. record que Messi a fait. Mais écoute, moi, j'ai une préférence pour Messi, mais Maradona demeure quand même sur la planète foot. Tu vas voir les hommages qui vont se faire par Ah, rapport à c'est sûr. Maradona. Pour le monde du football, pour les fans du soccer international, on sait que c'est gros le foot. C'est le foot international qui est en deuil aujourd'hui. Puis je pense que tous les instances vont le saluer et vont lui rendre hommage, malgré ce qu'il pouvait faire à l'extérieur du terrain, là. Non, c'est clair, c'est clair. Benoît Lavoie, on va se reparler de l'impact de Montréal. Évidemment, c'est la journée Diego Maradona aujourd'hui. J'aurais voulu avoir quelqu'un qui parle des commandites, parce que Maradona, au niveau commanditaire, c'était de l'argent aussi, là. C'était. Oui, ça, Hey, en Ligue oui, des tout à fait. champions, comment c'était? Ben, c'était une autre formule un peu. Comme je te l'ai dit tantôt, il a gagné. Dans ce temps-là, il y avait OK. trois Coupes d'Europe, là, la C1, la C2, la C3. Et ça s'est reformulé au fil du temps. Et ben, là, c'est ça, là. On dirait, comme je te disais tantôt, il a gagné une avec Napoli. C'était la première fois et la seule fois que Napoli a gagné une Coupe d'Europe. C'est lui qui a été qui était le joueur d'allumage du club à ce moment-là. C'est ça. C'est pas comme aujourd'hui. C'était différent à cette époque-là. OK. Ben Benoît, on s'en reparle pour l'Impact de Montréal. Yes, salut Benoît Danny. Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au Saguenay-Lac-Saint-Jean.